À l'école, t'étais toujours dernier. On se moquait d'un langage saccadé. Dans la cour, tu étais maltraité. Malgré tout, tu as toujours aimé. Une branche de mon arbre est tombée. Une tranche de ma vie est partie. Une branche de mon arbre s'est brisée. Maintenant j'ai compris, je t'aime aussi. J'ai compris que je t'aime aussi.